Section 39 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 39. L'adoré, par René Mézeroy. Janvier 1886. Je ne plains pas les fous. Et quelquefois je les envie malgré moi. C'est le repos, une sieste tranquille qui se prolonge et qu'on ne vient pas troubler. C'est la paresse maladive des convalescents avec des échappées vers les splendeurs de l'inconnu, de la musique dans les oreilles, une vibration étrange et plus grande des sens détraqués. On ne pense pas. La chimère préférée bat seule des ailes dans le cerveau vide. On n'a plus de désir. Ils sont tous exaucés. Quoi qu'on ait enduré, quoi qu'on ait blasphémé, quoi qu'on ait perdu, il n'en reste plus trace. Ils se croient adorés. Ils se couronnent de tiares fictives. Ils sont rois. Ils sont dieux. Ils bénissent le monde. Ils planent. Ils rayonnent. Et personne ne les détrompe, ne les raille de quolibets haineux et querelleurs. Je les envie, ces innocents, comme on les appelle dans la campagne, et je me rappelle le tableau que je vis un jour dans un hospice de Provence. C'était en un vaste jardin, planté d'arbrisseaux fleuris, un homme sans âge, accroupi sur le ventre en plein soleil, immobile, engourdi, et n'ayant de vie que dans ses yeux écarquillés, fixé machinalement sur le bleu du ciel. Il ne remuait pas, il ne parlait pas. Peut-être, malgré son regard visionnaire de fakir, n'avait-il aucune pensée humaine dans sa tête inerte. Aujourd'hui, je souhaite être cette brute. Fin de la section 39, enregistrée par Margot.